Mwen travay tout la simen Ou wè sa la vi kapote Tous les jours c'est tête chargée Problème traka tous les jours Mi jodi rive J'arrive passer le jour avant mwen Souli en mwen j'assire Pour mwen aller souke Souke souke Soirée, à nous font-ils soit serré, moi devine un petit point sensible.